بسم الله الرحمن الرحيم. طيب درس الماضي أخذنا الإعراب التقديري في الأسماء والأفعال. أن الموانع ثلاثة المشهورة: التعذر في الاسم المكسور الذي آخره ألف لازمة، والثقل الذي آخره ياء، والمناسبة الذي الاسم الذي أضيف إلى المتكلم. وهذا الإعراب التقديري يكون في الأفعال والأسماء. أما المناسبة فلا يوجد في الأفعال. Il n'y a pas d'idée dans l'afal. Et on a dit, il y a un istithna, c'est dans l'article, la fatha, tazhar, car elle est légère. بعد هذا قال المصنف رحمه الله تعالى الاسم الذي لا ينصرف. C'est le isme qui est ممنوع من الصرف, comme on l'appelle. تمام. Et un صرف قيل فيه شيئا قيل التنوين وقيل الجر بالفتحة. C'est le isme qui prend pas de tanwin. Et d'autres ont dit c'est le isme qui n'est pas majrur avec une kasra mais avec une fatha. Et ce isme يحصل ذلك فيه بسبب وجود علتين أو علة تقوم مقام العلتين. Comme on l'a pris dans الممتع. كما سيذكره إن شاء الله. قال فصل الاسم الذي لا ينصرف يعني ممنوع من الصرف ما فيه علتان يعني علة سي ودير نكوز نكوز اسمه لا من علال تسع أو واحدة تكون مقام العلتين سويل رغروب دو علة parmi les neuf ou alors qu'il en il en renferme une seule qui elle prend la place de deux elle toute seule. العلال التسع هي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتركيب والألف والنون الزيدتان والعجمة والصفة يجمعها قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنس بمعرفة ركب وزيد عجمة والوصف قد كملا. Donc là ce sont les neuf علال qui doivent être présentes dans ce ism, deux d'entre elles pour le rendre ممنوع من الصرف. Ou alors une seule qui prend la place de deux. Et là, le abiyat, il dit ijma. C'est le sens de quoi ça? Jam. Jam. Et c'est ramouté le jumour. Wazin. Wazin el fial. Adilan. Il veut l'adl. Atnis. Il veut le quoi le ta'nis? Bima'arifa, il veut l'alam. L'alamiya. Rakib, il veut tarkib, al-majzi. Ou ujma, comment ça veut dire? Ujma, c'est clair. Ou al-wasfu, il veut le sifa. Kod kamula. Donc dans ce habit, tu as les neuf ilal qui sont réunis. Et là, l'auteur va suivre en se basant sur l'ordre de ces habits. Al-ilatul oula, fal-jam. Fashartuhu an yakuna ala sirat mutahel jumu'a. وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم وغنائم أو مفاعيل بالمد نحو مصابيح ومحارب ودنانير. Donc là c'est ce qu'on appelle صيغة متيل جموع. C'est-à-dire que comme ذكرنا الأسماء لها عدة جموع. مثلا كلب عندك كلب كلب أكلوب وفي الأخير عندك أكاليب. فعدي صيغة c'est le dernier jam qu'il y a. Après ça il n'y a plus de jam. Il n'y a plus de jam. لذا قال منتهى الجموع. Et لا يلزم أن يكون مبدوا بميم كما ترى. C'est مساجد c'est qu'un ميم. Souvent c'est qu'un ميم. Mais دراهيم il n'y a pas de ميم. غنائم il n'y a pas de ميم. T'as aussi مثلا تباشير طماطم et même سراويل il rentre dedans. على الصحيح. وهي العلة العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتكون مقام العلتين. هذه c'est la première. On a dit il y a deux illa, elles tout seules elles en valent deux. Cela c'est l'une d'entre elles. Tout seul, si tu vois un ism yati à la hadithira, à dal wazn, même si c'est pas un jam, il vient sous cette forme là, comme sarawil, sarawil c'est pas un jam à la base. Il y a khouza dal hukm. طيب donc cette illa là, elle fait exception du fait que toute seule, elle toute seule, si on la trouve, le ism il est mamnou le sarf. العلة الثانية أما وزن الفعل سكيا سولا فهمنا فعل فالمراد به إما أن يكون الاسم ولا وزن خاص بالفعل كشمر شمر بتشديد الميم قيل شمر سي لو نو du cheval de Al-Hajjaj ibn Yusuf Sahib al-Kawakib yakoula kaza dans la charge de Al-Tamima Ism Faras Al-Hajjaj ibn Yusuf donc Chammar à la base c'est à la wasf al misal fial wa durib bilbina lil maf'oul à la wasf al wa antalaqa ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بحمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك. طيب donc déjà tout mot tout nom propre qui vient à la forme d'un verbe d'un wazn qui est propre au verbe comme c'est l'exemple cité là il devient mamnoun al-sarf. قال أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغرب وترجس تمام كو ديبي زيادة dans ce اسم qui ressemble à la forme d'un verbe mais cette زيادة elle est مشارك tu peux la trouver dans l'اسم et dans le فعل comme la cité l'exemple يزيد là-bas ça ressemble au مضارع de زاد يزيد أحمد ça ressemble au مضارع de حميد أحمد كذلك mais ça ce sont des awzan laissent خاصة بالفعل بين مشاركة في الاسم والفعل أما les autres là دوربا فعلا وإن فعلا dans les verbes ماضي celles-ci ce sont des awzan qui sont propres au verbe des awzan qui sont propres au verbe donc وزن الفعل si on le trouve dans un اسم avec une illa deuxième serait soit en wasf soit alamiya comme cela va arriver comme on l'a déjà pris il va être mamnoun le sarf al-illa al-thalitha wa amma al-adl fa huwa khuruj al-ism an sighatihi al-asliya que le ism sorti de sa forme de base qala fi ta'liq ay tahwil al-ism min halatin ila halatin ukhra ma'a baqa' al-ma'na al-asli qui part d'une forme vers une autre en gardant son sens de base. قال إما تحقيقا أو وإما تقديرا تحقيقا في التعليق ويقول بأن يدل دليل على أن هذا الاسم معدول وهذا وجد في الصفات يعني كتا une chose qui te démontre que ce nom à la base est un est sorti de sa base. C'est une chose qui te le prouve. Wahada, on le trouve que dans le sifat. Pas dans l'alamiya. On le trouve dans le wasf. Pas dans l'alamiya. Le salen, uhad, wa mauhad, wa thuna, wa masna, wa thulath, wa maslath, wa ruba, wa marba. Wa kaza ila ashara. فإنها معدولة عن الألفاظ عن ألفاظ العدد الأصول المكررة فالأصل جاء لكم أحد أي جاء واحدا واحدا قلت لي جاء لكم أحد لما يعرف ده أحد ثابت حل منصوب بالسنس واحدا واحدا سوف دي أبارا Donc le sens, la base de Ouhal, c'est ma'khouz de Wahid. Kaza aslu ma'ouhad. Ma'ouhad, c'est le même aslu. Et ma'ouhad wa ouhad. Nafs asl, ça vient de Wahid. Wa asl jalakum masna. Et jaou isnain isnain. Deux par deux. Mousna, c'est pris de isnain. Comme dans le fameux verset. وَنْكِحُوا مَا تَوَبَلَ لَكُمْ مِنَ النِّسَى مَثْنَى مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَعَ. Donc on dit جَالَكُمْ مَثْنَى هي معنى جَاءُوا إِثْنَيْنِ إِثْنَيْنِ وَكَذَا الْبَاقِي ثُلَاث هي ثَلَاثَ ثَلَاثَ. Donc ces asmas-là sont pris de leur base qui est le nombre d'origine. Donc ils sont ma'adoul. Ça c'est le tahqiq. C'est le tahqiq, on a un dalil. Wa imma taqdiran, maintenant, taqdiran ma hu. Qala, la yujad dalilun ala anna hada l'ism ma'adoulun wa hada khas bil a'lam allati ala wazn fu'al. Fakad sumi'at ghayr munsadifa wa lisa fiha illa l'a'lamiyya fakaddaru fiha l'adl hifzan li qa'idatihim min al-inkhiram. Donc ça c'est des asma qui eux à la base ont été entendus comme ça en fait, min as-sab'a. D'accord? Parce que mathalan, masna ça a un sens qui veut dire deux par deux. Mais les autres ils sont pris d'un waz particulier mais le sens il est le même. Le sens n'a pas changé. Et ça c'est khos dans les a'lam. Dans les noms propres. وهذه sinon là on a trouvé dedans que el alamiya, donc ils ont mis quoi? Ils ont fait un takdir de el adl dedans pour rester sur leur règle de base. قال كال اعلام التي لا وزن فعل. Les noms, les prénoms qui viennent à la wazn fu'al. Ka Omar. À la base, comme il veut dire, ça vient de Amir. Omar, ça veut dire Amir. Ou Zufar, ça vient de Zafir. Et Zufar, c'est le ism de Abu Khalid, sahib Abi Hanifa. Zufar. Ou Zafara, à la base, le verbe Zafara, ça veut dire expirer. فزفار ده اسم رجل وزحل زحل سي هذا اسم كوكب سي كيبارون دو ساتورن سي اسم علام pour un كوكب pour une planète et le os ça vient de زاحل qui veut dire abada le معنى abada donc زحل معنى زاحل زفار معنى زافير وعمر معنى عامر. Il y a ma'adoula à l'adil al-faz. Fa'innaha lama soumiyat mamnou'atan min sarf wa laysa fiha illatun zahiratun ghayr al-alamiyya qaddaru fiha al-adl. Fa'innaha ma'adoula an amir wa an zafir wa an zahil. Zafir, ça veut dire également expirer et soupirer. Donc on a trouvé dans ces asma que al-alamiyya. Donc ils ont fait quoi? Ils ont qaddar al-adl. Mais à la base, il n'y a pas de dalil. Ce sont des asma, elles sont même mises sur les qa'ida de... C'est des noms particuliers, ils sont limités. C'est pas tout ism fa'il, tu vas arriver avec un ism à la wazn fu'il. Ce sont des noms déterminés. Fahim ta'ala? Kama zakara wa binafsi wa jumla ma sumi'a min al-arab min al-a'lam al-ma'doula taqdiran rabatash. Ce sont 14 noms qui ont été entendus chez les Arabes sur cette forme-là. Ils citent, il y a Jumah, il y a Kuzah, il y a Jusham, il y a Mudar, il y a Osam, il y a Juha, il y a, non, Juha, t'as vu, il est là, Juha. Il y a Doulef, il y a Hubel, il y a Boula, il y a Kutham, il y a Su'al. Et c'est toute prise ces alfaz du wazn fa'il de leur asl. إلا الآخر قال فإنه معدول عن أفعل يا فعل اللي بريد أفعل. Donc c'est pas tout nom qu'on va prendre et qu'on va changer cette formule là. قال العلة الرابعة. Donc si on trouve le عدل avec soit علامية nom propre ou soit الوصف descriptif comme مثنى وثلاث اسم سيكون غير منصرف. العلة الرابعة كاتريام علة. وأما التأنيث فعلى ثلاث أقسام. هسي لفيمينا تأنيث بالألف وتأنيث بالتاء وتأنيث بالمعنى. طيب تأنيث avec un alif à la fin, تأنيث avec le thème arbouton à la fin, et un تأنيث c'est son sens d'origine, c'est تأنيث سامونث un فيمينا. فتأنيث بالالف يمنع الصرف مطلقا سواء كانت الالف مكسوره كحبلاء ومرضى وذكرى او كانت ممدوده كصحراء وحمراء وزكريا واشياء. تمام quelque soit le alif que soit en la forme de ya ou en alif avec le hamza après مطلقا il devient ممنوع من الصرف. Mais les choulottes, on a expliqué qu'il faut qu'ils soient devancés de trois lettres. D'accord ? Et que... ce alif soit zaïd. قَالَ وَهَذِ الْعِلَّةُ هِيَ الْعِلَّةَ الثَّانِيَ مِنِ الْعِلَّتَيْنَ الَّتَيْنَ كُلُّ وَحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْنَعُوا الصَّرْفَ وَحْدَهَا وَتَكُمْ مَقَامَ الْعِلَّتَيْنَ. Donc cette illa là, le ta'nith bil-alif, c'est la deuxième illa qui elle toute seule prend la place de illa. La première c'était quoi? Sira mutaïl jumwa. Ala waz mafa'il ou mafa'il. Tout seul, le ism devient mamnoun sarf. Et celle-ci, c'est la deuxième, qui elle toute seule prend la place de illa et qui rend le ism mamnoun sarf. Que ce soit ism alam, que ce soit ghil alam, que ce soit un wasf ou ghil dhalika. Ma yakoun fi akhiri alif ta'nith, quand même avec des shurut, il devient mamnoun sarf. قال واما تانيث بالتاء et ce ta là il est pas juste pour le féminin, il peut être aussi pour un masculin. فيمنع الصرف مع العلاميه il devient ممنوع الصرف quand il est un nom propre سواء كان علما للمذكر كطلحة comme طلحة pour un homme ou المؤنث كفاطمة. Il y a pas de différence, si son apparence elle est féminine, خلاص ما نقول صرف ولكن بشرط ان يكون عالميه سواء نون قط دونك لي دو علا دو دون سي كوا عالميه وتانيث بتاء اتون على فون voir faire on va faire un récapitulatif de l'ordre là il comme il a cité là il a fait selon l'ordre de vers de poésie c'est que l'awwal qui suffit alif تانيث celui-là il suffit là faut عالميه celui-là l'awwal alif بتانيث على وحده يكفي هذا لا يحتاج الى عالميه ثلاثه بديع هذه امانه امانه انت مربوطه على فه اسكو سي ممنوع الصرف لا سي با اسم علم رحمه سي با اسم علم هي رحمه فهمت نعم. وما التأنيث المعنوي celui qui dans le sens à la base féminin فهو كتأنيث بالتاء فيمنع مع العالمية لكن بشرط أن يكون الاسم donc là ce اسم là qui est de féminin de sens de base il prend la même condition que celui qui a un تاء يعني faut qu'il soit العالمية faut qu'il soit un nom propre لكن il y a des شروط أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف كسعاد faut qu'il ait plus de trois lettres أو ثلاثيا محرك الوسط كثقر ولا دو 3 لتر وسط دو ميليو الي محرك يعني حركة مثلا هند هند اسم هند الوسط ساكن Donc tu peux dire hindoun et tu peux dire hindou, tu peux dire hindou. Tu peux dire l'un ou l'autre. Thalith ou sakin al-wasat a'jamiyan ka jura. Qui soit alors si alors qui soit sakin là du milieu qui n'a pas de harakat mais qui soit a'jami. Comme jura. D'accord ? Mais il faut que ce soit féminin. Il faut qu'il soit féminin. Ah ben, si il est masculin, comme ça vient dans Nour, il n'est pas même en sauf. Ou Lout, ça arrive, Inch'Allah. Rabi'an, ou manqoulan en le muzakkar et le mu'annath, kama iza sammeita imra'atan bi zayd. C'est un nom à la base muzakkar, mais qui est appliqué sur un mu'annath. Et il prend son hukm. Tamam ? Comme Zayd. Zayd, à la base, ism, rajul. Wahid samma bintahu, Zaydan. Fayakun al-an, hayna idhin, adad ism, mamnou'an min sarf. Même si le milieu est sakin. Parce qu'à la base, c'est un nom masculin. Qui a été déplacé au féminin. Wa lam yakun shay'un min zalika ka hind, ou da'din. Même donc les prénoms qui ne rentrent pas dans cette position-là, féminin, tu as le droit de leur rendre Moun Sarf ou pas. Et Torkuhu Ahsan. Le rendre Moun Sarif, c'est mieux. Donc, Mulbil Illa Al-Khamisa. Al-Khamisa, Al-Ta'arif. Al-Muradu Bil-Ta'arif Al-Alamiya. Donc là, maintenant, Al-Ta'arif. Al-Alamiya, c'est une illa assassia. Al-illa assassia, tu en as deux, sous lesquelles viennent toutes les autres en fait. T'as Al-Alamiya et t'as Wasf. Al-Alamiya, s'il y en a six des illa qui viennent avec, lui, ça va être un sarf. Et le Wasf, tu n'en as que trois. Parce que là, dans l'ordre qu'il a fait, il n'est pas. Tu n'arrives pas vraiment à cerner la chose. Mais à la fin, on va refaire un khurasa avec le tartib. Maintenant, il va citer les Alamiya, si il est mélangé avec d'autres ilal, il devient Mamnoun Sarf. Ma'a Wazn al-Fi'al, Awalan, Ka Ahmed wa Yazid. On a dit au début, Wazn al-Fi'al, c'est parmi les ilal. Donc si Wazn al-Fi'al se mélange avec l'Alamiya, comme Ahmed, un prénom qui s'appelle Ahmed, ou quelqu'un qui s'appelle Yazid, ou Yaghlib, ou Yaslam, ou Yashkour, il devient Mamnoun Sarf. Ma'a Al-Adl, comme Omar, comme Zufar. Tamam. مع التأنيث كما تقدم عنه فمينا كم مثلا عائشة تمام وزينب ومريم مع تركيب المجدي مع تركيب المزجي avec un تركيب عنه qui est composé ça arrive inshallah في الدرس الآتي مثل حضرموت بعلبك c'est un تركيب مجدي c'est un nom propre il va être maintenant le sens. ومعه الالف والنون كعثمان سلمان تمام عدنان اسم كي على فون اجوتي الف والنون سي سنون بروبر سيكون ممنوع من الصرف ومع العجمه لنون عرب كما سياتي تو نو برينون نون عرب اي كي نون بروبر سيكون ممنوعا من الصرف même s'il est féminin ou masculin ou c'est un nom de lieu nom de Kabila ou Kazalik Yahouza del Hukm Mafoum Hada Taïb Fanaqifuna wa gaden Sanokmil et Sanouhaoul Natibi Khurasa bit Tartib pour pouvoir bien assimiler la chose parce que là comme on l'a vu c'est pas Mourattab Mafoum Hada فإلى هنا أول الحمد لله رب العالمين